Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. J'ai accepté cette invitation, je dirais, avec beaucoup de curiosité, mais aussi une certaine appréhension, parce que le thème qui vous réunit, c'est-à-dire le commun, ne fait vraiment pas partie de mon patrimoine intellectuel. Je suis un juriste, je ne suis pas un historien, un petit peu historien, mais un historien amateur, disons, un juriste de profession, pas du tout un philosophe. Et pour moi, c'est quelque chose d'un petit peu... ma pratique est liée à l'action publique et au service public, à la fois ma pratique professionnelle dans divers domaines, aussi bien dans les services de souveraineté, au plan, au secrétariat général du gouvernement, dans des entreprises publiques, ou mes réflexions personnelles. Tout à l'heure, Bernard Friot avait l'amabilité de rappeler que, avec Nicole Questiot, on avait fait un ouvrage de réflexion sur les politiques, enfin, on appelait le traité du social, sur l'ensemble des politiques sociales. Et j'ai prolongé, moi, cette réflexion jusqu'à un bouquin qui a paru l'an dernier, qui s'appelle « L'économie des besoins ». Alors, c'est un terme que j'ai essayé de justifier, qui a été publié l'an dernier par chez Audit Jacob. Alors, pour moi, la notion de commun, donc encore une fois, elle ne m'est pas familière. D'un point de vue juridique, elle évoque deux choses. Elle m'évoque deux choses. La définition du domaine public en droit administratif, qui est une définition qui est issue des travaux de la commission de réforme du Code civil qui avait été faite en 1948 et qui a été reprise par la jurisprudence du Conseil d'État. Et donc le domaine public, c'est soit les biens mis directement à la disposition du public usager, et là je crois qu'on est en plein dans le commun, soit les biens affectés à un service public et spécialement aménagés à cet usage, ce qui est le cas, par exemple, d'une université comme ici, mais ce qui n'est pas le cas d'un simple local qu'on loue quelque part pour y mettre des bureaux, puisqu'il n'est pas, à ce moment-là, spécialement aménagé. Et l'autre notion juridique qui me rapproche un petit peu du thème de vos réflexions, c'est la notion de droit fondamental et de besoin social qui est à la base de ma réflexion sur l'économie des besoins. Alors c'est cette réflexion que je me propose de présenter rapidement en deux parties. Ce qu'est pour moi l'économie des besoins et ce que sont ce que j'appelle ces règles du jeu. Ça correspond d'ailleurs aux deux sous-titres que j'avais envisagés pour mon ouvrage l'an dernier. Le premier sous-titre, c'était le communisme du XXIe siècle. Et le second sous-titre, c'était « Une nouvelle approche du service public ». Alors, l'éditeur a préféré retenir le second sous-titre, mais quand il a trouvé le premier un peu provocant, mais je ne le récuse pas. Et si je veux définir ce que je considère par l'économie des besoins, il est logique que je me réfère d'abord à ce sous-titre. Alors, très rapidement, pour exposer cette conception, je suis parti d'une réflexion sur l'évolution historique de l'action publique dans le domaine économique et social. Alors c'est une évolution très, très globale, très sommaire, que je présente avec une certaine timidité devant un public composé de spécialistes, et notamment, je l'ai pu le constater à travers les analyses qui ont été présentées hier et aujourd'hui. Donc cette évolution historique, moi je la caractérise comme une course-poursuite entre le développement du système capitaliste et le développement de l'intervention publique. Ce système capitaliste est un système très dynamique qui investit progressivement tous les compartiments de la société. Et contrairement à ce que disait Adam Smith, il n'y a pas une main invisible qui résout tous les problèmes qu'il pose. Non, à chaque fois qu'il investit un domaine, il y a des problèmes, il y a des problèmes sociaux. Il y a des problèmes il y a des luttes qui s'engagent. C'est là que je rejoins un petit peu la problématique de notre ami tout à l'heure. Il y a, à partir de ces luttes, des politiques qui sont mises en œuvre par les pouvoirs publics. Et lorsque ces politiques ont une certaine durée, elles se traduisent par des institutions. C'est donc un schéma général que l'on voit se reproduire je dirais, depuis le début du XIXe siècle. Mon analyse historique ne va pas plus en amont. Et c'est le sous-titre qu'on avait mis avec Nicole Questiot à notre traité du social, « Situation, lutte, politique, institution ». Avec, si on raisonne jusqu'à la fin du siècle dernier, trois grandes étapes successives, qui ont d'ailleurs été évoquées largement hier et aujourd'hui. La première, c'est celle du XIXe siècle, le capitalisme qui se développe dans certains secteurs, la métallurgie, le textile, le chemin de fer, etc., et où les problèmes essentiels sont les problèmes du travail. Et ça se traduit au niveau des interventions publiques par les premières lois, par exemple sur le travail des enfants, 1840 et quelques, c'est la reconnaissance du droit syndical, etc. Et c'est le monde ouvrier qui est l'acteur principal des luttes et qui déclenche les politiques. La deuxième étape, pour moi, vous l'avez beaucoup évoqué, notamment à propos de Léon Bourgeois, hier et ce matin, c'est la généralisation du le système s'étend, c'est la généralisation du salariat. La population active, la majorité de la population active devient une population salariée, ce qui n'était pas le cas auparavant. La majorité de la population devient urbaine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et il y a un besoin de protection par rapport aux conditions dans lesquelles cette protection était assurée précédemment, qui s'est traduit par la mise en place de systèmes de solidarité sociale, les retraites, les allocations familiales, le chômage, etc. Et la troisième étape, c'est l'étape qu'on a connue depuis le dernier conflit mondial, avec un système qui s'étend à toutes les compartiments de la société, avec ce qu'on appelle la société de consommation et avec des problèmes nouveaux qui sortent, comme les problèmes de l'environnement, les problèmes de l'urbanisme. Et tout au long de cette évolution, diversification des formes de l'intervention publique. Alors, cette intervention publique, elle s'exprime par des normes, des réglementations, des incitations. Elle s'exprime par des transferts de ressources, affectés ou non. Elle s'exprime par la mise en œuvre de services publics non marchands, dispensés gratuitement à la population, notamment les grandes infrastructures de transport, les services de l'éducation. Elle s'exprime à partir de la dernière guerre par une intervention plus poussée dans le domaine économique et l'apparition d'entreprises publiques marchandes, qui soit assurent la fourniture de services publics, mais dans des conditions marchandes, soit sont au service de la politique industrielle du pays, et elles sont englobées dans un processus de planification que nous avons connu, qui n'est pas la planification soviétique, on appelait ça la planification à la française, qui est une planification indicative, dont pour ma part je garde un excellent souvenir, puisque j'y ai travaillé dans quelques années. Donc ça, le premier point, l'évolution historique. Alors, nous arrivons maintenant, et c'est là qu'il faut que nous nous placions évidemment maintenant, à la phase actuelle, qui est une nouvelle étape par rapport aux trois premières que j'ai distinguées. Nous sommes dans une nouvelle étape, qui est l'étape de la mondialisation, caractérisée, alors je ne vais pas faire un cours là-dessus, par la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux, mais je fais remarquer au passage, pas des hommes, qui sont la seule chose qui ne circule pas librement, dans cette mondialisation présente. Donc, le développement des firmes multinationales qui jouent sur les législations des différents pays pour assurer leur processus de production et le développement fantastique des possibilités de communication qui s'expriment en particulier à travers Internet. Cette mondialisation, dans le même temps, il y a une forte poussée libérale, des idées libérales, il y a un changement de paradigme, comme on dit, par rapport au problème de l'intervention publique, cette poussée libérale étant relayée chez nous par la construction européenne, sur laquelle je rejoins souvent les analyses de Pierre Bobby, mais peut-être avec une connotation moins optimiste que lui. Et toujours dans la phase actuelle, nous avons débouché sur la crise de 2008, résultant d'une insuffisance de la régulation financière au niveau mondial, la crise des subprimes, l'effondrement bancaire, qui a donné lieu à deux mouvements contradictoires, c'est-à-dire dans un premier temps, ça a donné lieu beaucoup plus une intervention publique très poussée, les États venant au secours des banques en difficulté, voire en les nationalisant temporairement. Et pour nous, pas dans le reste du monde, mais malheureusement pour nous en Europe, cette intervention déclenchant elle-même par une sorte d'effet de boomerang, comme le dit un de nos collègues Philippe Bance, la crise des dettes souveraines que nous avons connue et qui, elle, enfin, dans laquelle nous sommes encore toujours, et qui, elle, débouche au contraire sur des politiques d'austérité dans les différents pays. Alors voilà, nous en sommes là, et je pense que dans ce cas, à ce stade-là, il est nécessaire de recomposer l'action publique. C'est là que je termine sur ce que j'entends par l'économie des besoins. Recomposer l'action publique qui est toujours nécessaire, mais qui est évidemment devenue beaucoup plus difficile, puisque nous sommes dans une économie mondiale, mais il n'y a pas de gouvernement mondial. Et je pense que cette action publique, elle doit aujourd'hui se recomposer autour de deux grands axes. Le premier axe, pour moi, ne pose pas de problème de principe, parce qu'il est admis par tout le monde, c'est la régulation du marché. Tout le monde admet qu'il faut un minimum d'intervention publique pour réguler le marché. De plus en plus, cette régulation du marché s'exerce au niveau supranational. Pour nous, Français, ça veut dire au niveau européen ou au niveau mondial. Cette régulation, suivant les tendances en présence, va s'étendre à des domaines de plus en plus larges. Le domaine commercial, le domaine financier, le domaine social, environnemental, le problème des migrations. Et elle va être plus ou moins efficace, oui, selon l'intensité qui pourra lui être donnée et les choix politiques qui seront faits à cet égard. Mais ça n'est pas du tout mon sujet, parce que je pense qu'à côté de cette première forme d'action publique qui est la régulation du marché, il y a encore, et il doit y avoir dans l'avenir, un second axe qui est l'axe de ce que j'appelle l'organisation collective de la satisfaction des besoins, c'est-à-dire l'axe des services, de la fourniture des services collectifs. Et c'est à propos de cet axe de la fourniture des services collectifs que j'utilise, d'une façon peut-être un peu sommaire, l'expression « économie des besoins ». Alors qu'est-ce que pour moi l'économie des besoins ? Ça n'est pas un appendice du marché, mais c'est une voie propre de développement. Et elle est fondée sur des principes différents de ceux qui gouvernent le marché. Ces principes étant pour moi, la satisfaction d'un droit fondamental, la reconnaissance d'un droit fondamental, et ça, que le marché, par son fonctionnement, ne peut pas assurer. Par là même, la réponse à un besoin social, qui doit être une réponse par nature égalitaire, et non à une demande solvable à laquelle satisfait le marché et qui, elle, par définition, est inégalitaire. Et pour cette fourniture de services collectifs, pour la satisfaction de ce droit fondamental, un pilotage collectif et, si possible, anticipateur, avec une certaine dose de planification, alors que le marché est myope. Alors ce champ du service collectif, qui existe dans tous les pays, mais qui peut être plus ou moins développé, qui est très attaqué à l'heure actuelle, de mon point de vue, et là je rejoins un peu les questions dont vous avez discuté, il n'est pas prédéterminé. Je ne pense pas qu'il y ait un domaine naturel pour la fourniture, un champ, pour définir le champ des services collectifs. Alors, il y a quelques évidences économiques. Il y a la notion de bien collectif, comme l'air. Il y a la notion d'activité à rendement croissant, comme les infrastructures de transport. Il y a les externalités négatives. Il y a un certain nombre de raisons objectives, économiquement objectives, qui peuvent te conduire à classer un bien, une activité dans cette catégorie. Mais pour prendre le service public dans lequel nous sommes ici, qui est celui de l'éducation, celui de la santé, ils peuvent être entièrement privatisés. Il n'y a aucun impératif économique pour qu'ils le soient. Et la définition, pour moi, du champ des services collectifs, c'est un choix politique. Et dans ce domaine, il peut y avoir des avancées, des reculs. Il y a des reculs. Prenons par exemple le domaine des télécommunications, qui reste régulé aujourd'hui, mais qui n'est plus un domaine de service public. Et il peut y avoir des avancées, même si elles sont symboliques. Moi, je trouve caractéristique que même à une période, dans la dernière décennie, de droite au pouvoir, on ait reconnu dans la loi un droit opposable au logement, ce qui n'avait jamais été fait par aucun texte juridique, qui, en pratique d'ailleurs, est inapplicable dans les conditions de fonctionnement la France actuellement, mais il me paraît quand même très caractéristique que l'on était obligé de reconnaître l'existence de ce droit. Encore une fois, c'est une définition politique et il appartient à ceux qui participent à la bataille politique, de faire en sorte qu'elle soit plus ou moins importante. Ces services collectifs, ils ont une place importante dans l'économie et je dirais qu'ils fournissent une production. C'est là que je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure par Bernard Friot. C'est une production tout aussi importante que celle des activités marchandes. L'éducation, la santé, la sécurité, le logement sont des productions utiles, des productions socialement utiles qui sont tout aussi importantes que la fabrication de l'habillement ou l'organisation de voyages touristiques. Et ces services collectifs jouent, de mon point de vue, c'est ce que j'ai essayé de décrire dans mon bouquin, un rôle capital dans le développement de du pays, dans quatre domaines essentiels. Un, le développement humain, santé, éducation. Deux, ce que j'appelle le soutien de la vie quotidienne, c'est-à-dire un certain nombre de domaines dans lesquels on recherche une égalité peut-être moins forte que dans le domaine de santé et de l'éducation, mais on essaye d'assurer un minimum à l'ensemble de la population. Alors, c'est les minima sociaux, mais pas seulement. C'est l'action sociale, c'est l'action menée en direction de la famille, c'est le logement, sont les réseaux les grands réseaux de transport, d'énergie et de communication. C'est aussi le fonctionnement de la démocratie, c'est-à-dire la sécurité, la justice, les systèmes d'information et d'échange. C'est pour ça que je disais, par rapport à l'intervention qui a été faite tout à l'heure, que pour moi, ça fait aussi partie des services collectifs. Et c'est là que, pour moi, cette économie des besoins se rattache à l'économie de marché, les bases du développement économique en matière de recherche, en matière de grandes infrastructures et en ce qui concerne dans le domaine du crédit, où d'ailleurs, là, l'intervention publique est malheureusement en forte régression depuis un certain temps. Et cette économie des besoins, quel est son avenir ? Je terminerai par là ce premier point. Elle est contestée, évidemment, par l'approche néolibérale. Elle reste cependant présente dans notre pays, comme dans les autres pays de l'Union européenne. Là, je rejoins un peu ce que disait tout à l'heure Pierre. Il y a une tradition historique qui existe chez nous, peut-être de la manière la plus affirmée derrière la notion de service public, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres pays. Je pense, par exemple, nous avons eu l'occasion récemment d'aller en Allemagne ou en Autriche, où il y a de grands services publics, organisés de manière d'ailleurs assez différente de l'organisation française, avec ce qu'on appelle les Stadtwerke, qui existent dans les grandes agglomérations et qui fournissent à la fois les services de transport, d'énergie, de l'eau, logement, etc. Donc elle existe dans un certain nombre de pays. Elle a derrière elle des appuis sociaux. Et il y a la force des besoins, anciens ou nouveaux, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Et il y a aussi peut-être la convergence possible. C'est là qu'on rejoint aussi un autre des thèmes de votre colloque, et notamment celui d'intervention précédente, des convergences possibles avec d'autres formes économiques, et notamment avec l'économie sociale. Donc pour moi, cette économie des besoins, elle existe partout, mais soit comme une simple annexe à l'économie de marché, on attend d'elle qu'elle fournisse certaines choses utiles au développement économique en matière de formation professionnelle, en matière de santé ou en matière d'infrastructures de recherche ou de transport, soit elle équilibre l'économie marchande, c'est-à-dire qu'on est dans un système dans lequel, qui correspond, je crois, un petit peu à ce vers quoi on tendait à la fin du dernier siècle en Europe, qui équilibre les deux aspects, soit elle devient l'aspect principal, et peut-être le fera-t-elle un jour, notamment grâce aux réflexions qui sont menées dans les autres domaines que vous examinez dans ce colloque. Alors, voilà ce que je voulais dire dans cette première partie. Il me reste combien de temps ? 10 minutes ? 10 minutes. Hein ? 10 minutes. 10 minutes, ben ça va. À partir de là, quels sont... mon deuxième sous-titre, c'est une nouvelle approche du service public. Et quelles sont les règles du jeu, selon moi, de cette économie des besoins ? Alors, dans mon esprit, il ne s'agit pas de remettre en cause la théorie française du service public. Moi, j'ai été nourri par elle, si je puis dire. Je ne la renie absolument pas, mais il s'agit de la moderniser, de la revitaliser. Et là, je crois qu'il faut bien distinguer les deux contestations dont elle fait l'objet. Il y en a une que je récuse, c'est la contestation néolibérale qui dit moins de dépenses, moins d'impôts, moins de services, l'opération Sarkozy, la réduction du nombre des fonctionnaires, etc. Mais il y a aussi une contestation citoyenne qui est quand même très importante, qui rejoint, je crois, les thèmes auxquels vous vous intéressez, parce qu'on a un modèle, on avait, il a quand même commencé à évoluer, un modèle de service public, de mon point de vue, trop autoritaire, un modèle tutélaire, administratif, dont témoigne un certain nombre de le vocabulaire, la protection maternelle et infantile, l'obligation, la vaccination obligatoire, etc. Et uniforme, imposant les mêmes règles, offrant les mêmes services, et puis disant, ben, vous devez vous en contenter, c'est comme ça, et c'est pas autrement. Alors que nous sommes dans une société où il y a des attentes sociales qui ont considérablement évolué, un beaucoup plus haut niveau d'éducation dans la population, une beaucoup plus forte exigence d'autonomie, qui se développe encore plus là maintenant avec les possibilités qu'offrent les réseaux sociaux, par conséquent, les potentialités fantastiques qu'offre ce développement de la communication. Et donc, il me semble que le service public doit devenir plus citoyen, et c'est là que peut-être il doit devenir plus commun, dans le sens où vous utilisez cette expression ici. Alors j'ai essayé de développer ce thème, il me reste 7 ou 8 minutes, j'ai essayé de développer ce thème à partir de 4, sur 4 points, je vais les prendre très très rapidement, la gouvernance, les opérateurs, la rencontre du service, enfin, le pilotage, les opérateurs, le service, la gestion. Alors, le pilotage, là, j'utilise la notion de gouvernance collective, derrière laquelle je mets 3 choses. Alors, il y en a une dont je ne vais pas parler du tout, ce que j'appelle la coproduction de l'action publique, c'est-à-dire il n'y a plus que l'État, là, maintenant, il y a les collectivités territoriales, tout le problème de la décentralisation. La démocratie participative, et la planification. Alors moi, je pense qu'il faudrait revenir à un certain niveau de planification dans ce pays, une planification un peu comme celle que nous avons connue, concertée, qui ne soit pas autoritaire, mais qui fournisse un guide, qui dise où on va aller, qui justifie un peu l'adhésion de la population aux politiques qui sont suivies. Je passe. La démocratie participative, on pourrait insister davantage, parce que ça rejoint tout à fait vos réflexions. C'est un thème qui a été mis en avant sur le plan politique par Ségolène Royal il y a quelques années. On s'est moqué d'elle. Mais je crois que sur ce point, elle avait fondamentalement raison. Alors moi, j'ai lu très rapidement le chapitre correspondant d'un ouvrage qui a été, je crois, commandé hier, qui est le livre de Dondo et Laval sur le commun. Bien ça ? Dardot et Laval. Ça s'appelle Le commun. Et une proposition politique numéro 7. Les services publics doivent devenir des institutions du commun. J'ai lu ça avec attention. Bon, c'est intéressant. Il y a toute une série de références historiques. Ça débouche sur une comparaison qui intéresse mon voisin parce que ça débouche une comparaison sur la manière dans laquelle la remunicipalisation de l'eau s'est faite à Naples et à Paris. On explique qu'à Naples, c'était formidable. Et à Paris, presque épouvantable. Je suis pas tout à fait, je sais pas si, enfin, j'exagère peut-être un petit peu, hein, mais si Pierre partage ce point de vue. Bon, je dirais que je suis quand même resté un peu sur ma faim à la lecture de cette proposition, mais c'est effectivement un point dans lequel nos réflexions peuvent tout à fait se rejoindre. Sur le deuxième point, c'est-à-dire les opérateurs, et le thème que je mets en avant, c'est l'articulation maîtrisée du public et du privé. C'est-à-dire que c'est un problème récurrent. Est-ce qu'il faut nationaliser, privatiser, etc. Moi, j'ai quelques idées simples. Premièrement, la gestion publique peut être tout aussi performante que la gestion privée. Et il est normal d'y avoir recours dès lors qu'il s'agit de l'intérêt général. Et pour autant, il ne faut pas écarter totalement le recours au privé, qui peut apporter diversification et innovation. Que l'intervention du privé est aisée lorsque ses valeurs sont compatibles avec celles du public, et c'est là que je rejoins l'économie sociale, il n'y a aucun problème, au contraire, à encourager cette intervention. Par contre, elle doit être soigneusement encadrée dès lors qu'il s'agit d'opérateurs capitalistes qui sont porteurs d'une logique différente. Et là, je voudrais simplement faire un appendice, c'est que dans cette réflexion, pour ma part, mais j'ai peut-être tort, je ne mets pas en avant le problème de la propriété. C'est-à-dire, je considère que le problème du pouvoir est plus important que celui de la propriété, et que, bien entendu, alors je ne sais plus qui a dit, la propriété c'est le pouvoir, c'est Proudhon, je crois. Bon. Mais il peut y avoir un encadrement public permettant de faire ce qu'on veut faire sans être obligé de nationaliser, par exemple. Troisième thème, c'était le service. Là, je développe tout ce qui concerne la rencontre du service et du besoin, en essayant de revisiter les principes classiques de la théorie du service public. C'est les lois de Roland, du nom d'un économiste des années 40-50, qui a mis en avant trois principes, égalité, comment ça s'appelle continuité et mutabilité, c'est ça. Égalité, continuité et mutabilité. Bon, j'essaye de reprendre ça en introduisant la notion de convivialité et de qualité à l'intérieur de la fourniture du service public. Et au-delà de ces principes, la pratique devrait, selon moi, s'inspirer par trois orientations. La première, c'est la diversification de l'offre. C'est-à-dire le service public, il n'y a pas une définition unique d'une prestation qui est délivrée autoritairement à l'ensemble de la population. Il y a des situations différentes auxquelles il faut savoir s'adapter. Je crois que vous êtes particulièrement bien placé dans le domaine de l'éducation pour vous en rendre compte. Le deuxième principe, c'est l'idée de capabilisation de la demande. Et il ne suffit pas d'ouvrir théoriquement l'accès du service collectif, mais il faut permettre à ceux qui pourraient avoir cet accès d'y accéder effectivement et d'y accéder d'une manière intelligente. Et organiser, c'est aussi un problème que l'on pourrait traiter dans le cadre particulier de l'éducation, mais qui se pose aussi ailleurs. Et c'est comment organiser la meilleure, le processus de rencontre entre le service et le besoin. Et là encore, on pourrait, dans le domaine de l'éducation, si je reste là, prendre le problème de la carte scolaire, qui est un problème évidemment pas facile, mais qui est tout à fait fondamental dans ce domaine. Et enfin, j'en ai terminé, mon dernier point... C'est le problème de la gestion. Et là, alors, il y a toute la discussion. Je reviens à ce que disait tout à l'heure Bernard Friot. Rocard, la LOLF, le New Public Management, la nouvelle gestion publique pour parler français. Il y a tout un courant. Qui nous vient notamment qui est venu au départ de la Nouvelle-Zélande pour conduire à l'introduction dans la gestion publique des valeurs du privé et qui va, à mon sens, beaucoup trop loin. Pour autant, ça n'interdit pas de vouloir moderniser la gestion publique. Et il y a certaines recettes du privé qui sont, à mon sens, parfaitement utilisables dans le secteur public. C'est pourquoi... Le thème que je mets en avant dans cette dernière rubrique, c'est le terme l'expression que je mets en avant, c'est l'expression moderniser sans banaliser. Je crois qu'il y a des éléments de modernisation à opérer, mais en gardant l'esprit du service public. Et là, j'ai un jugement différent de celui de notre ami tout à l'heure, parce que je considère que le Rocard, par exemple, la circulaire de Rocard sur le service public en 1989, sur les projets de service, sur le renouveau du service public, c'est plutôt quelque chose qui me paraît dans le bon sens. Après, quand on arrive à la LOLF, il y a une certaine influence du courant du NPM, du New Public Management, mais qui a été quand même géré à la française. Et si on va sur le statut de la fonction publique, dont on a célébré il y a quelques mois le cinquantenaire, ou soit le cinquantenaire, non, c'est un peu plus. Il y a eu une grande cérémonie. Peu importe. Le statut de la fonction publique français, qui est vraiment très caractéristique dans le monde, jusqu'à présent, en tout cas, a résisté aux attaques qui étaient menées à son égard. Alors je termine là-dessus. Je pourrais parler davantage, mais j'ai fini. J'aurais pu vous parler du problème de du dialogue social à l'intérieur de la fonction publique, parce que c'est une question à laquelle je me suis spécialement intéressé, ayant fait un rapport sur ce sujet en 2001-2002. Mais je crois que je vais arrêter compte tenu du temps. Mais je crois que ce problème du dialogue, il est important. Il est important non seulement dans le dialogue entre... le service et ses agents, mais dans le dialogue avec les usagers ou les citoyens, qui est tout à fait aussi nécessaire. Et je pense que les rencontres comme celles que vous avez aujourd'hui peuvent permettre d'avancer dans ce type de réflexion. Merci. Merci beaucoup.